Le grand-père n'avait pas d'accent assez tendre pour faire épeler l'ange attentif et charmé, et pour dire « Ô mon doux petit Paul bien-aimé », dialogues exquis, murmures ineffables. Ainsi, les oiseaux bleus gazouillent dans les fables. « Prends garde, c'est de l'eau. Pas si loin, pas si près. Vois, Paul, tu t'es mouillé les pieds. Pas fait exprès. Prends garde aux cailloux. Oui, grand-père, va dans l'herbe. » Et le ciel était pur, pacifique et superbe, et le soleil était splendide et triomphant au-dessus du vieillard, baisant au front l'enfant. Le père, ailleurs, vivait avec son autre femme. C'est en vain qu'une morte en sa tombe réclame, quand une nouvelle âme entre dans la maison. De sa seconde femme, il avait un garçon, et Paul n'en savait rien. Qu'importe. Heureux, prospère, gai, tranquille, il avait pour lui seul son grand-père. Le reste existait-il? Le grand-père mourut.